vint jouer du piano, du saxo, du violon, de l'accordéon et même de la trompette. Savoir taper sur les bongos, les congas, les djembés, les tambours, les claves, les triangles et même les maracas. J'aurais voulu faire tout ça, mais à l'évidence, je ne peux pas. J'ai pas de talent, non, non, non. Et quand il faudrait, y a rien qui vient. J'ai pas de talent, non. J'aurais voulu savoir danser le tango, le cha-cha, la valsa, java, le flamenco et le rock'n'roll. Savoir danser le mambo, la techno, le disco des années 80, il paraît que tout le monde aime bien. J'aurais voulu faire tout ça, mais à l'évidence, je ne peux pas. J'ai pas de talent, non, non, non. J'aurais voulu être célèbre, adulé, adoré, passer à la télé, faire des clips, un artiste qu'on respecte. Passer à Champs-Élysées, à sacrées soirées dans les dîners mondains, faire la fête. J'aurais voulu faire tout ça, mais à l'évidence, je ne peux pas. J'ai pas de talent. Pas de talent. J'ai pas de talent.